Alors, je commence pour ce coup-ci. Donc déjà, je remercie l'ensemble de mon groupe qui ont eu des bonnes idées. Donc je suis leur humble représentante. Alors on vous donne les principales parce qu'on a fait un brainstorming, donc il y a eu beaucoup d'idées. Une des premières idées, c'était que le buisson, finalement, en tant qu'objet actuellement, il n'est pas très interactif. Et finalement, on ne peut pas le toucher, il est là, il est beau, mais il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire avec, sauf la petite console unique qui permet finalement à une seule personne d'interagir. Donc il y a eu une idée vraiment de créer une meilleure immersion, un petit peu en mode réalité augmentée, d'augmenter un petit peu le buisson de manière numérique pour qu'on puisse finalement naviguer à travers les différentes branches, à travers les différents nœuds, et à chaque nœud, avoir plus d'informations sur l'espèce en question pour pouvoir être plus en interaction finalement avec l'objet. Puisqu'à l'heure actuelle, c'est dommage que les branches ne s'animent pas, c'est un peu dommage qu'il n'y ait pas d'expérience sensorielle aussi sur l'arbre. On pourrait, dans cette même idée, représenter qu'est-ce qui se passe si on coupe une branche. C'est-à-dire montrer l'impact que peut avoir la disparition d'une espèce sur d'autres espèces et leur éventuelle disparition, voire même notre éventuelle disparition en tant qu'humain, à force de couper les branches de tous les autres. On se coupe un peu l'herbe sous le pied. Et on pourrait aussi montrer les raisons de la disparition des espèces. Il y en a qui ont disparu de manière naturelle. Et de plus en plus d'espèces disparaissent maintenant à cause de l'homme. Et donc on pourrait aussi faire prendre conscience de ça à travers cette installation qui serait augmentée du buisson. Ensuite, en termes plus pragmatiques, on a pensé que, en termes de parcours du musée, ce qui serait intéressant, si on prend le buisson comme l'allégorie d'un parcours, c'est qu'on donc traque les gens dans leur parcours du musée et qu'on puisse leur faire une espèce de cartographie de leur centre d'intérêt, de qu'est-ce qu'ils ont regardé le plus, puisqu'on part du principe que si quelqu'un s'est par exemple arrêté pendant 10 minutes devant les papillons, ben du coup, il a passé plus ou moins de temps à différents endroits du musée. À sa sortie, on pourrait lui proposer cette cartographie de son expérience, donc un petit peu en rappel de ce qu'il a vu, et ça permettrait pour le musée de recueillir une évaluation de l'UX par un indicateur temporel, c'est-à-dire que devant quelle installation les gens passent le plus de temps. Donc, qu'est-ce qui les fascine le plus, qu'est-ce qui les intéresse le plus. Et pour les gens, ça pourrait donner aussi un espèce de critère d'engagement, puisqu'on pourrait leur dire « vous avez vu ça, ça, ça ?» Mais aujourd'hui, vous avez aussi raté ça, donc revenez la prochaine fois, parce qu'il y a encore plein de choses intéressantes à découvrir. Et enfin, la toute dernière idée, ce serait une idée d'atelier interactif avec les visiteurs, une interactivité sur les espèces disparues, basée sur du storytelling, où on pourrait montrer aux visiteurs des espèces qui n'existent plus, et donc leur demander d'inventer l'histoire de cette espèce, de raconter l'histoire sur qui était, selon eux, cette espèce. Où elle habitait, en Asie, dans la savane ou pas, dans la mer, etc. Qu'est-ce qu'elle mangeait, quelles étaient ses habitudes, ce genre de choses, et éventuellement, pour quelles raisons elle s'est éteinte. Et donc, les visiteurs créeraient des histoires d'espèces disparues, voilà, pour inventer un petit peu, et puis pour se rendre compte que nous-mêmes, on sera peut-être un jour une histoire d'espèces disparues pour... On sera un jour une histoire d'espèces disparues. Je vais simplement lire les notes dans l'ordre de la discussion qu'on a eue avec le groupe du centre. Donc les gens étaient globalement trouvaient que effectivement le buisson est esthétiquement réussi. Et puis très rapidement, on va sur de la critique. Hein. Il y avait des designers, il y avait des gens qui avaient forcément un point de vue. Puis il y a cette idée qui émerge de pourquoi on ne partirait pas d'une graine. Dans le règne végétal, bon, c'est pas idiot pour un buisson, un arbre. On nous le propose aussi, ce buisson, de manière complète. Pourquoi on ne nous le proposerait pas de manière décomposée dans le temps, avec des représentations qui pourraient être à la fois précises et partielles, pour qu'on comprenne en fonction du temps, enfin, au moment dans lequel on se trouve dans la navigation dans le buisson, ce qui n'est pas encore arrivé. Comprendre quelles sont les connexions avec les autres branches, voir les interactions entre les branches. Pourquoi on n'aurait pas d'autres représentations du buisson ? Aujourd'hui, c'est dans une sphère. Pourquoi on n'aurait pas des représentations sur d'autres plans ? Aplatis, carrés, cubiques, etc. Voilà. Pourquoi le buisson ne serait pas connecté au reste de l'exposition ? Comment on fait pour repérer les éléments dans le buisson? Il y avait des gens qui se sont perdus assez rapidement avec l'installation. Des fois, c'est une bonne chose de se perdre. Mais pour là, si on voulait avoir une vue un peu plus globale de où on se trouvait, à quel moment et dans quelle branche. Puis cette idée que finalement, le buisson, c'est le musée, une représentation du musée. et qu'un élément de l'exposition, c'est un point précis dans le buisson. Comment on arriverait à gérer cette notion d'espace et de temps. Donc là, les gens n'étaient pas forcément d'accord sur les solutions. On a parlé aussi de réalité augmentée. Je le raye de la liste. Non, mais c'est intéressant. Il y avait aussi la proposition de faire des halos de lumière pour mettre le focus sur un point précis du buisson. Puis on est arrivé sur cette notion de buisson ou de musée hors les murs, un buisson qui pourrait exister de manière réelle ou virtuelle à l'extérieur du musée. Évidemment, on pense à un site web pour un buisson sur un site, pour faire aussi revenir les gens. Puis les deux idées qui restaient à la fin, enfin, sur lesquelles on a discuté en dernier, il y avait une version XXL de ce buisson qui vivrait à l'extérieur du musée, qui serait alimentée par les parcours à l'intérieur du musée et puis sur ce dispositif extérieur. Et donc on verrait l'activité du musée et de l'extérieur du musée sur cette version de nuit peut-être, en format géant, qui appellerait aussi les gens depuis l'extérieur. Et puis il y avait aussi cette dernière discussion sur le fait de badger son parcours dans l'exposition, et puis de pouvoir avoir la restitution de ce parcours aussi visualisé à l'intérieur du buisson. Je vais vous faire la restitution du groupe de droite. Donc déjà, merci à tous pour les échanges, parce que c'était intéressant. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est posé la question de savoir concrètement quel était l'objectif principal de ce buisson. En en discutant, on a compris que c'était le grand projet du buisson était de combattre l'ego humain. On s'est rendu compte en arrivant devant, effectivement, que jusque-là, il répond à ses promesses. Il est très bien scénographié, il est sur un socle qui fait qu'il nous domine. On est dominé par l'univers, on est dominé par le monde, on est dominé par l'évolution du monde. Donc là, effectivement, on est vraiment en phase avec le projet. Et puis ensuite, assez rapidement, on a envie d'en savoir plus, on a envie de rentrer dans le contenu, dans les évolutions, dans les branches des évolutions. Et là, on se rend compte que ce buisson du vivant, finalement, il est très inerte. Il est un peu à l'antithèse de ce qu'on aurait aimé y retrouver. Et là, il ne répond plus vraiment à toutes ses promesses. Donc, fort de ça, on s'est dit, OK, il y a une très bonne base. L'objet en lui-même est très beau. Il fait passer déjà plein de messages. Il est très fort. Il est très charismatique, presque. Par contre, comment est-ce qu'on peut l'augmenter? Comment est-ce qu'on peut améliorer cette expérience pour aller au-delà de ce premier effet qui est finalement un très bon effet de première sensibilisation, mais qui, en termes d'information, nous laisse un peu sec. Donc, on a deux axes de travail. Le premier, c'est sur l'objet en lui-même. On s'est posé la question à un moment donné de savoir si il fallait garder un objet physique ou est-ce qu'un objet type holographique pourrait pas faire l'affaire. Mais finalement, l'objet physique, est-ce qu'il incarne, est très fort et il nous semblerait dommage de le perdre. Par contre, peut-être qu'on peut l'améliorer en se disant, par exemple, qu'on pourrait travailler avec des jeux de couleurs via de la projection de lumière pour pouvoir mettre en avant certaines branches de l'évolution, pouvoir rapprocher certaines extrémités à d'autres. Ou alors, comme on l'avait abordé, pouvoir travailler avec des cercles concentriques, voir comment on pourrait les formaliser. Mais en tout cas, pour avoir des idées d'unité, d'échelle, pour favoriser la lecture de cette sphère qui n'est pas forcément très, très facile a priori. Et après, le deuxième axe qu'on a eu, c'était de réfléchir autour de... Alors, on l'a appelé la console. Mais finalement, ça va bien avec son côté un peu rétro. En tout cas, qu'on ne trouve pas assez, pas assez moderne. Ah ouais, non, mais on fait un diagnostic complet, nous. Hein, donc, on est réaliste. En tout cas, de la même manière, cette console, elle a plein de promesses. Elle nous emmène dans un monde augmenté autour de ce buisson. Et puis finalement, on se rend compte assez rapidement qu'elle n'est pas très facile à utiliser pour différents... points, certains très techniques et d'autres qui sont moins. Par exemple, il n'y a pas de moteur de recherche, donc ça fait qu'on est très guidé dans ce qu'on va faire, mais on n'a aucune marge de manœuvre. Un point qui est pour nous très très important, c'est le fait que finalement, on ne parle pas le même langage que cette interface. Le logiciel va nous parler un langage très scientifique, et nous, pauvres béotiens de tous les jours qui sommes dans ce musée-là pour la première fois, pauvres saumonettes que nous sommes, on ne parle pas le langage de l'interface. Donc on se retrouve avec quelque chose où finalement on va faire beaucoup de navigation, de clics au hasard, mais sans vraiment savoir sur quoi on va cliquer. Donc on se retrouve sur quelque chose qui pas très porteur de sens finalement. Donc ça, c'est pour nous un vrai frein. Et le dernier point important, après il y en a d'autres, hein, mais en tout cas pour faire court, il nous semblerait important de pouvoir apporter de la sérendipité dans cette navigation. J'ai placé le mot, je suis très fier de moi. Pour finir, voilà, c'est l'idée que, en fait, on est dans une navigation qui est très guidée. On va choisir une espèce et puis on va se laisser guider dans son évolution. Et il n'y a aucun moyen de sauter d'une branche à l'autre, de changer d'avis, de s'arrêter avant, de pouvoir peut-être changer l'axe de vue et d'être dans quelque chose de plus intuitif et plus spontané et moins guidé. Et ça, pour nous, c'est un peu dommage parce que on n'est pas dans une interface, dans un service évolutif et qui permet d'attiser la curiosité du visiteur. Il y en a deux qui me séduisent vraiment, si ce n'est le constat qu'on a fait aussi, hein, que c'est pas une grande réussite d'un point de vue didactique, quoi. Mais bon, l'idée principale était de rabattre le caquet de l'humanité avec ce buisson. Ça, je pense que c'est réussi. Il y a un élément que j'ai beaucoup aimé dans le groupe de gauche. C'est la jeune femme ici qui a proposé de prendre un morceau de la branche, donc fatalement d'enlever un morceau qui est à l'extérieur, donc le temps présent, et donc voir les effets de la disparition d'une espèce sur les autres. Et ça, c'est essentiel pour comprendre les effets nocifs de nos activités humaines aujourd'hui. Et puis il y a un autre, désolé le centre, à droite, ce côté aléatoire, c'est-à-dire pouvoir se promener de manière aléatoire, et aussi quelque chose auquel, pour le coup, on n'y avait pas vraiment pensé. On était plutôt assez directif, et c'est vrai que ça donne envie d'être surpris, quoi, par le hasard. Et l'évolution, qu'est-ce que c'est, si ce n'est le hasard ? Voilà. Donc c'est deux choses-là qui me plaisent. Position, même si je trouve la modélisation de visite vraiment intéressante, et je pense que ça serait bien de travailler là-dessus. Certains musées, en fait, alors je ne sais plus, c'est un musée américain, j'ai oublié lequel c'est, où en fait on a un mur d'écran sur lequel, en fait, il y a un petit peu les stars du musée, les œuvres un peu phares, comme ça. Et les gens, en fait, vont programmer sur leur portable ce qu'ils veulent absolument voir. Ils vont être guidés, géolocalisés dans le musée. Donc, en fait, c'est eux qui forment leur parcours. Et c'est vrai que l'idée de modéliser son parcours est plutôt intéressante. Le risque étant qu'on aille voir que les stars, que les objets... Alors, dans ce sens-là, on avait, c'est vrai que je l'ai pas dit, on avait une idée qui était de se dire qu'en lien avec l'interface, quand on arrive sur une extrémité et que cette espèce est présente dans le musée, on puisse nous dire allez voir cette espèce, elle est à tel endroit, pour faire le lien entre le reste du musée et cette œuvre un peu emblématique. Après, ça fausserait un petit peu l'idée, c'est que forcément, les eucaryotes sont surreprésentés dans un musée parce que c'est difficile de conserver des bactéries. C'est pas très spectaculaire. Et puis c'est des eucaryotes pour faire un musée, pour des eucaryotes. Voilà, donc de toute façon, c'est un peu des... Il y a eu une approche en UX design, un jour, une expérience rigolote. Sur ce genre de choses, sur des objets qui sont pas connus ou insignifiants, ça s'appelle insignificant object ou significant object. En fait, ils ont pris des objets complètement au hasard qu'ils ont achetés 50 centimes dans des brocantes. Ils ont confié ces objets à des auteurs qui ont écrit une petite histoire autour de l'objet. Donc il y avait un nain de jardin et il y a un écrivain qui a raconté l'histoire de Bob le nain de jardin, etc. Un tout petit descriptif de 10 lignes et ils ont revendu ces objets avec leur histoire sur eBay. Et ils ont quintuplé, même des fois fait x50 par rapport à leur prix initial. Donc le petit nain de jardin qu'ils avaient payé 2€, l'ont vendu tout à coup 100€ à quelqu'un qui était intéressé par l'histoire de Bob le nain de jardin, échappé de Russie, du goulag, et qui était revenu, etc. Et je pense qu'on arrive peut-être à faire ça sur ces objets anonymes, demander à des auteurs peut-être ou à des artistes d'écrire une histoire. Ouais. Il faut demander aussi à des scientifiques. Ou des scientifiques, ouais, ou une histoire scientifique. On pourrait vous citer des objets avec des histoires scientifiques. Et ça peut être des anecdotes marrantes et du coup qui donnent envie aux gens de découvrir les objets. Pour une petite collection de fiction sur les objets, on avait sollicité pour l'instant 4 auteurs, il y aura bientôt d'autres. Ça c'est et, bien. Par exemple, j'avais travaillé avec Jean-Bernard Pouy qui fait des romans policiers, ou je ne sais pas si vous connaissez, des romans noirs qui sont vraiment excellents, très drôles dans le langage. Et lui s'était intéressé au téléphone classique des années 80, qui était le téléphone de la téléphone gris, un cadran maîtrisé qu'on appelle le 63. Et il a fait une petite nouvelle dessus avec une découverte, une manière de violer, très plus bien ce qui du coup, c'est pas du tout.